de cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le mot est ancien, il viendrait du XIIIe siècle, résistance. Mais alors, il avait tendance à prendre un E et non un A. Résistance, E-N-C-E, c'est ainsi que l'écrit Mailleux le Vilain, maître S.R. de l'Université de Paris, quand il traduit les météores d'Aristote. La résistance est, selon lui, la qualité par laquelle un corps résiste à l'action d'un autre corps. Le mot évolue dans l'univers de la physique, de la chimie, de l'électricité et même de la gastronomie. Un plat de résistance est un plat où il y a beaucoup à manger. Il y a également de l'amour dans la résistance, oui, quand la résistance s'oppose à des sollicitations trop pressantes. Et puis il y a de la politique quand se forme à l'Assemblée un parti de résistance. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, la résistance est le mouvement qui découle de l'action clandestine menée contre les armées allemandes d'occupation et les gouvernements qui les soutiennent. Le mot change donc de sens, mais comme tous les mots d'ailleurs, selon le contexte dans lequel il est employé. Mais dans tous les cas, quand il s'agit de définir le mot résistance, il est question de force et surtout, il est question d'action. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, résistance, mais où sont passés les jours heureux du nom du programme du Conseil national de la résistance? Nous allons évoquer l'esprit de résistance avec un grand témoin, Annette Beaumanoir. Nous allons évoquer aussi la figure d'Ambroise Croizat, père de la sécurité sociale, quand un monde nouveau est à reconstruire, des émissions à retrouver sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion. Et puis vous pouvez nous rejoindre également sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Aujourd'hui, comment unir ce qui est désuni, unir la lutte des résistants. Avec vous, Laurent Douzou, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite des universités à Sciences Po Lyon, spécialiste de l'histoire et de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, en particulier de la résistance intérieure française. Vous êtes notamment l'auteur d'une biographie de Lucie Aubrac, qui a paru chez Perrin, et puis co-auteur avec Sébastien Albertelli et Julien Blanc de La lutte clandestine en France, une histoire de la résistance 1940-1944. C'est aux éditions du Seuil, paru en 2019. Laurent Douzou, j'ai presque envie de vous dire, c'est une évidence. La résistance est désunie quand, en 1940, les gens découvrent en fait l'ampleur de la défaite. Les gens ne savent pas où aller. Pour essayer de comprendre ce cheminement qui conduit à l'union de la résistance, peut-on dire que dès les origines, il y a un but commun? Est-ce que le but est le même? Alors, je pense que le but est d'opposition, mais je doute qu'il soit vraiment commun au tout début. Alors, d'abord, la résistance n'est pas désunie en 40, elle n'existe pas. Donc, il faut commencer par dire que sur un champ de ruines, on va essayer de construire quelque chose, avec des buts qui sont très différents. Il y a dans les pionniers de la résistance des gens qui sont germanophobes, il y a des républicains qui estiment que la République a été étranglée, il y a des antifascistes, il y a des communistes, il y a des gens que guide leur foi chrétienne. Enfin, il y a un agrégat de motivations extraordinairement différentes. Il y a un plus petit dénominateur commun, probablement, à toutes ces motivations, c'est le patriotisme. C'est-à-dire que cette défaite humiliante, écrasante, qui agit, qui fait un effet de souffle, cette défaite-là, évidemment, elle réactive un patriotisme très fort, elle fait écho à 1870, à la Grande Guerre. Je crois que c'est ça le ciment le plus fort qui unit ces femmes et ces hommes qui, par ailleurs, ont des objectifs extrêmement différents. Quels sont ces objectifs d'ailleurs? Quelles sont les voies possibles quand la résistance se met en place au tout début à ses origines? Alors les objectifs sont très vagues. Il y a une formule qu'emploient beaucoup les pionniers, les pionnières, c'est faire quelque chose. Ils disent pas résister, très peu. On trouve résister, par exemple, dans le premier numéro du journal Résistance de la Nébuleuse du Musée de l'Homme en décembre 40. Mais je dirais que jusqu'à cette date, on dit beaucoup, on va faire quelque chose. C'est intéressant parce que c'est très indéterminé. Au fond, ils savent pas bien ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils savent, c'est qu'il faut faire quelque chose. Donc ça va être... D'abord, première étape, se convaincre soi-même qu'on peut faire quelque chose. Donc il y a d'abord un travail intime à mener. Ce qui est paradoxal parce que pour nous, la résistance, ça fait écho à une aventure collective. Et ça commence dans le fort intérieur de la conscience de chacun. Et puis quand on a repris un peu courage, on lève les yeux et on essaie de voir des gens qui pensent comme soi. Et donc ça va donner les premiers noyaux, c'est un terme qu'utilisait Germaine Tillion, premiers noyaux de résistance. Et petit à petit, des gens vont s'agréger les uns aux autres, mais ça va prendre beaucoup de temps, ça prend des mois. En zone nord, ça va un peu plus vite parce que l'allemand est là, présent, visible. Quelques mois, 4, 5, 6 mois. Et en zone sud, ça va prendre un an à 18 mois parce qu'il y a le maréchal Pétain, parce qu'il y a le régime de Vichy et qu'il y a une adhésion au début extrêmement forte à sa personne et au régime. Laurent Douzou, si nous regardons la résistance à ses origines, un panorama de ces noyaux divisés, de ces individus qui décident de prendre position, peut-on dire que l'on a un portrait de la société française? Est-ce que vraiment le monde tel qu'il était juste avant-guerre se retrouve en partie dans la résistance, ou avons-nous une construction qui est totalement différente, qui est en rupture? Alors ça peut pas être en rupture totale, ces gens ont une histoire, une trajectoire, ils ont une mémoire, ils ont pour certains des traditions de lutte. Donc je dirais que c'est un amalgame très curieux, à la fois de legs du passé, par exemple les militants syndicalistes, ils ont une très longue tradition de lutte, ils ont une mémoire, et puis ces gens vont rencontrer des individualités qui, avant-guerre, ne les auraient jamais croisés. Et donc, au fond, ce que génère la résistance, c'est un brassage, un amalgame, comme le temps de paix ne peut pas en créer. On va trouver côte à côte des gens extraordinairement différents. Je prends deux exemples, si vous voulez. À l'origine du mouvement Libération de Zone Sud, il y a Jean Cavaillès, philosophe austère, spécialiste de philosophie mathématique. Et ce Jean Cavaillès rencontre Emmanuel Dacier de la Vigerie, qui est à peu près son antithèse sur le plan humain. L'autre exemple, c'est Germaine Tillion. Elle a 33 ans, elle est ethnologue. Et elle va commencer son chemin résistant avec un vieux colonel qui a plus de deux fois son âge, qui s'appelle Paul Ouette. Et franchement, avant-guerre, tous ces gens-là ne se seraient jamais rencontrés et n'auraient rien eu à se dire. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un brassage à partir de l'expérience de chacun. Et quand les gens ont la chance d'avoir une expérience politique, syndical ou autre, ben ça aide, mais il y a aussi des novices complets. Et dans ce brassage, il y a également des surprises qui vont à l'encontre de notre représentation construite souvent postérieurement. Des gens font le choix de la résistance, alors que cela peut nous étonner, c'est-à-dire que l'on va trouver des gens de l'extrême droite qui font le choix de la résistance. C'est ça aussi qui enrichit la résistance. Alors ça, la grande richesse de la résistance, c'est qu'on y trouve des gens qu'on n'attendait pas spontanément. La résistance, c'est pas un phénomène rationnel, au sens où on pourrait l'expliquer rationnellement, dresser un profil type, en aucune façon. On ne recrute pas dans la résistance sur grand oral ou sur copie de concours ou sur curriculum vitae. On recrute sur ce que les gens veulent faire et sont capables de faire. Et donc, le critère déterminant, c'est que peut apporter X ou Y à l'action qu'on mène. Et donc, oui, on y trouve des gens extraordinairement différents. Vous avez cité les gens d'extrême droite, vous avez raison. Quelqu'un comme Pierre de Bénouville, c'est un très bon exemple. Côté France Libre, Honoré d'Estienne-d'Orves, ce sont des gens qui sont des partisans de l'ordre, qui se reconnaissent très clairement dans une France, je dirais, d'ordre complet. Et en même temps, ben, c'est très intéressant, c'est que ce sont des gens qui vont s'opposer à la fois au régime de Vichy et aux Allemands, bien entendu. Et puis, dans ces objectifs que les différents résistants veulent atteindre, il y a ce point commun que vous avez évoqué, Laurent Douzou, qui est le patriotisme. Malgré tout, il y a, dès les origines, des divergences notoires. Et je pense que quelqu'un d'extrême droite qui s'engage pour défendre le pays, pour défendre la nation, n'est pas exactement sur la même ligne que celui qui a une vision internationaliste de la lutte. Donc, dès les origines, il y a des divergences fondamentales, presque idéologiques. Ah ben la résistance, c'est pas un monde idéal où les gens s'entendraient tous parfaitement. Ils sont d'accord sur un but, il faut chasser l'Allemand hors de France. Petit à petit, l'accord va se faire sur le rejet de Vichy, mais je dis bien petit à petit, ça ira pas de soi d'emblée. Et la résistance, ça va être un combat permanent entre les gens qui sont partie prenante de cette résistance, c'est-à-dire que ça n'efface pas du tout les oppositions qu'il y avait antérieurement. Ça les atténue. Ça les rend secondes parce qu'il y a un but qui domine tous les autres. Mais c'est pas du tout un monde sans lutte. Et même, je dirais, c'est un monde où on se, un monde souterrain, dans lequel on lutte beaucoup, dans lequel on s'oppose. Et ce qui est très frappant, c'est qu'on s'oppose sans avoir aucun des moyens du temps de la démocratie à ciel ouvert. Normalement, quand on s'oppose, si on est dans un parti politique, il y a un congrès, on dépose des motions, il y a des votes. Là, il n'y a rien de tel. Ça se fait dans le secret. Et donc, la rumeur joue un grand rôle. Mais en conséquence, il y a entre ces gens des oppositions très fortes et qui ne cesseront jamais d'exister. Bien entendu, un ex-croix de feu n'a pas les mêmes buts qu'un membre du Parti communiste français. Et ça, l'un comme l'autre le sait pertinemment. La question, c'est, est-ce que ces divergences sont plus fortes que l'ennemi auquel on est confronté? Et la réponse que ces gens apportent face à une répression croissante, 42, 43, 44, c'est, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Mais, la lutte terminée, nous reprendrons nos joutes d'avant-guerre. Mais alors, quel challenge déjà d'arriver à l'idée d'union et surtout à réaliser cette union des mouvements de résistance. Laurent Douzou, je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce du film Alias Caracalla au cœur de la résistance d'Alain Tasma, qui s'appuie sur les mémoires de Daniel Cordier, qui a participé au scénario de cette mini-série. Donc un regard sur la résistance où l'on sent tous les doutes autour de l'engagement. Contre la vermine démocrate, demandez l'action française, mesdemoiselles. Sale fasciste, vous vous foutrez en tôle, vous et toute votre clique de juifs et de métèques. Perdons pas de temps, le maréchal parle à la radio dans une heure. Appel à la République et vive la France. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. La France est morte. Non, on ne peut pas se coucher devant les boches. Et on va se battre, je te jure qu'on va se battre. Mais la guerre est une chose sérieuse, Danny. Tu te ferais tuer immédiatement. Les gars, il y a un général français à Londres qui a fait un discours incroyable. Je vais donc prendre les noms des volontaires qui acceptent de s'engager sous les ordres du général de Gaulle. À vos rangs, fixe ! Daniel Cordier. François Briand. Qu'est-ce qu'un prêtre vient faire ici ? Je vais me battre contre les boches. Aspirant Cordier, j'ai rendez-vous avec le colonel Passy. La guerre clandestine que nous conduisons en métropole n'est pas celle pour laquelle vous avez été préparé. Elle se vit seule. Au front 24 heures sur 24. Si vous êtes arrêté, vous serez entre les mains de la Gestapo, interrogé et torturé pour obtenir des renseignements. On vous fournira une capsule de cyanure. Bonne chance, Briand. Alias Caracalla au cœur de la résistance d'Alain Tasma. Laurent Douzou, nous voyons bien que au début de la résistance, vous avez bien dit, au tout début, c'est-à-dire au moment de la défaite de 1940, il n'y a même pas de résistance. Mais quand les choses se construisent, il est nécessaire que l'individu imagine un avenir, un mode d'action. Les voies sont très différentes, en fait. Comment se construisent, en fait, ces différents cheminements? Les rencontres doivent être essentielles. Vous avez étudié, Laurent Douzou, avec Sébastien Albertelli et Julien Blanc, La lutte clandestine en France, c'est le titre de votre ouvrage Au Seuil. C'est difficile d'avoir un portrait type du résistant. En fait, c'est énormément de cheminements qu'il faut étudier. Il y a autant de réponses pour entrer en résistance qu'il y a d'individualité. Alors il y a des affinités électives, il y a des gens qui vont se retrouver et qui seront contents de se retrouver. Mais en même temps, ce que vous dites est parfaitement juste, chacun résiste comme il est. Alors par exemple, Emmanuel Dacier de la Vigerie, qui est un homme très imaginatif mais assez désordonné, quand il veut recruter en 40-41, il peint un mouvement qui n'existe pas du tout, mais peu importe, animé par un souffle populaire avec des masses laborieuses, etc. Et son alter ego Henri Freinet à la tête de combat, qui est un officier breveté d'état-major, lui il peint un organigramme avec une organisation parfaite, etc. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est que les deux mouvements, Libération et Combat, ressembleront assez à ce que sont leurs fondateurs. Ils sont pas seuls fondateurs, mais ils ont un rôle essentiel. C'est-à-dire que Libération, ça sera un mouvement, j'allais dire, assez spontané, pas nécessairement toujours très bien organisé. Et Combat, au contraire, sera régi par une organisation assez stricte. Et on pourrait multiplier les exemples. En d'autres termes, la personnalité de chacun est essentielle. Mais c'est pas la personnalité d'un individu. C'est la rencontre d'individualités différentes. Par exemple, à Combat, il y a Henri Freinet, mais à ses côtés, il y a Bertie Albrecht. Et Bertie Albrecht, c'est un tout autre parcours. qu'Henri Freinet. À Libération, il y a Emmanuel Dacier-Lévry, mais il y a Jean Cavaillès, il y a Lucie Aubrac, il y a Georges Zerafa, et ces gens-là n'ont pas du tout le parcours ni la personnalité de Dastier. Donc, ce qui se produit, c'est petit à petit, les gens se frottent les uns aux autres et parviennent à définir une manière d'être, de vivre en commun, en définissant des objectifs. Laurent Douzou, quand nous évoquons les personnalités, les engagements, c'est un véritable questionnement, hein, l'engagement dans la résistance, parce qu'il nous rapporte à nous-mêmes. Hein, je pense que tous nous avons eu cette question-là, c'est obligatoire. Il y a un élément qu'il ne faut jamais écarter en histoire sociale notamment, c'est simplement l'insertion des individus dans la société, la famille, les enfants. L'appartement, le commerce pour certains, l'engagement de la résistance n'est pas le même aussi selon la manière par laquelle on est inséré dans la société. Alors oui, c'est évidemment votre insertion sociale, elle est essentielle. Emmanuel Dacier de la Vigerie, dans Le Chagrin et la Pitié, en 1971, déclarait que lui a été un raté. Pour être résistant, il fallait avoir été inadapté ou raté socialement. Ça, je crois que c'est tout à fait faux. Quand on est résistant, on a besoin d'une insertion. Le problème, c'est que l'insertion que vous aviez jusqu'à 40, elle doit être redéfinie. La famille, par exemple, ça paraît être une unité très sûre. Eh ben, les premiers résistants auront beaucoup de mal à recruter dans leur famille. Ils le feront, mais quelquefois avec des échecs cuisants. Pourquoi ? Mais parce que la défaite a tout fait exploser, y compris la cellule familiale. Alors ce que je dis de la famille, c'est vrai aussi des syndicats, c'est vrai des partis politiques, c'est vrai des associations. C'est-à-dire que la première mesure de précaution que doit prendre quelqu'un qui commence à résister, c'est de sonder les gens qu'il connaît, et quelquefois de longue date, et il a souvent des surprises très désagréables en se rendant compte que quelqu'un dont il était sûr qu'il agirait comme lui pense très différemment. Donc, vous voyez, on avance en terrain mouvant. C'est très difficile. Alors ça, c'est pour les débuts, 40, 41, 42. Petit à petit, quand la situation va se décanter, ça deviendra plus facile d'utiliser son insertion sociale, familiale, professionnelle pour recruter. Pourquoi ? Parce que l'assise sociale de la résistance va se développer. Mais au début, c'est très très incertain. Il faut sonder le terrain partout, tout le temps. Et puis avec cette incertitude que vous avez rappelée, Laurent Douzou, comment agir ? Que faire ? Ce qui est une question fondamentale. Comment agir ? Parce que aujourd'hui, c'est toujours l'avantage en histoire, c'est que nous avons ce regard lointain. Donc le piège serait de tout analyser en connaissant la fin. Mais les gens qui étaient plongés dans une situation où les événements évoluaient à une vitesse, mais qui les dépassaient complètement, empêchaient en fait de voir clairement quelle action choisir. C'est vraiment la grande question des débuts de la résistance. C'est la question clé. En fait, la résistance commence en improvisant, totalement. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ben, d'abord, nécessité fait loi. Si un aviateur allié est tombé sur le sol de la zone nord et qu'il faut le cacher, ben, petit à petit, on va créer une filière. Bon, quand des gens veulent passer en zone sud, ben, pareil, on va créer une filière parce que des gens se présentent et on se dit, bon, on va les aider. Et puis, pour l'essentiel, ce qu'on va faire, c'est gribouiller des inscriptions à la craie ou comme on peut sur les murs, puis ensuite se dire ces inscriptions que la police efface vite, c'est pas très utile. Donc on va faire des papillons, c'est des tout petits bouts de papier qu'on colle, mais là déjà faut s'organiser, faut un pot de colle, faut des pinceaux, il faut si possible une personne à un bout de la rue, une autre à l'autre pour siffler si la police arrive. Et puis mais ces papillons, on les arrache facilement, donc on va passer au tract. Le tract, c'est déjà un texte plus abouti, il faut en discuter, il faut définir une ligne. Mais le tract, c'est éphémère et on va arriver à ce qu'on appelle la feuille clandestine. Nous, on dit les journaux clandestins. Cette évolution-là que je dessine rapidement, des inscriptions aux feuilles clandestines, elle prend grosso modo, c'est variable, mais aux alentours de 6 mois en zone nord et 12 à 18 mois en zone sud. C'est-à-dire que là, vous avez un lent processus au cours duquel les gens font l'apprentissage de ce qu'est une lutte clandestine et ils le font en improvisant au jour le jour. Et ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas opposer l'improvisation des débuts à la parfaite organisation de la fin. Parce que la résistance, compte tenu de ce qu'elle est et de ses ennemis, elle est obligée d'improviser constamment. C'est vrai en 40 comme ça l'est en 44. Oui, nécessaire d'inventer l'action sans cesse. Laurent Douzou, vous évoquez ces feuilles clandestines, ce qui nécessite également la mise en place d'une économie. Il y a le papier à trouver, à acheter, il y a l'imprimerie, et cette nécessité de mettre en place une économie de la résistance, donc des réseaux, développe les mouvements de résistance. Alors vous avez raison, on ne peut pas faire paraître des feuilles clandestines sans penser à l'aspect financier. En réalité, au début, on ne va pas y penser du tout. Quand Christian Pinault fait paraître Libération de Zone Nord en décembre 40, il tape des textes. Donc c'est en fait le journal, il est dactylographié, il les tape avec des carbones, et il en tape 7 exemplaires. Ça commence comme ça. Et puis ensuite, bon, ils vont se rendre compte que 7 exemplaires ou 10 ou 100, c'est pas suffisant. Donc là, il faut approcher des imprimeurs, les ouvriers du livre. Il faut trouver des moyens. Alors le papier, on en trouve, c'est difficile, mais on peut en se débrouillant. Mais surtout, il faut de l'argent. Alors là, il y a deux manières de faire dans les premiers temps. Taper ses amis. On va aller voir X, Y ou Z, dire j'ai besoin, est-ce que tu peux me donner 100 francs, etc. Et on va faire comme ça. Alors vraiment, c'est des bouts de ficelle. Ou alors trouver, on dirait aujourd'hui, des sponsors. Par exemple, Défense de la France est allé voir un grand industriel et il a accepté de financer à fond perdu, naturellement, le journal. Et Libération Sud a eu aussi dans ses rangs un grand industriel qui s'appelait Albert Cohen et qui a financé à fond perdu le mouvement. Le problème, c'est le suivant. Ça peut pas durer, ce bricolage. Et donc, il va falloir des fonds. Et c'est là que l'intervention de la France libre est décisive. Parce que quand Yvon Moranda arrive comme émissaire politique du général de Gaulle en novembre 41 en zone sud, et puis quand ensuite Jean Moulin arrive au début janvier 42 en zone sud, ils arrivent avec des fonds. Ils sont porteurs d'argent. Et donc ça va changer complètement, parce que les mouvements, les groupes qui étaient asphyxiés financièrement jusqu'à cette date vont recevoir une sorte de bouffée d'oxygène. Mais évidemment, l'aide financière est pas sans contrepartie. Et donc, la France libre va exiger en contrepartie de l'aide qu'elle apporte, une meilleure organisation de ses mouvements et un soutien au général de Gaulle. Oui, nous comprenons très bien, Laurent Douzou, le cheminement, parce que vous l'expliquez extrêmement clairement. Londres, le général de Gaulle, le financement et l'exigence d'unir la résistance. C'est vrai que le schéma est clair. Eh bien, je vous propose justement d'aller à Londres, d'y aller en 1943 pour écouter La Complainte du Partisan, une chanson écrite par Emmanuel Dacier de la Vigerie, donc le fondateur du mouvement de résistance Libération Sud et du journal Libération. Une musique d'Anna Marly, Anna Marly, que l'on connaît aussi pour le chant des partisans. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions trois, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond dans la prison de dans un grenier, pour la nuit nous a caché, l'ennemi l'a su. Il est mort sans surprise. Souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La complainte du partisan en 1943 d'Emmanuel Dacier de la Vigerie dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Eilig avec aujourd'hui à la technique Nicolas Delmas. Unir ce qui est désunir. Comment la résistance s'est unie sous la Seconde Guerre mondiale? Laurent Douzou, nous avons bien compris que dans les premiers temps, on ne peut même pas parler de résistance, il y avait une volonté d'agir qui se concrétise peu à peu et de Londres, il y a une volonté que ces mouvements de résistance en France s'unissent. Alors comment s'organise en fait, j'ai envie de dire même comment se construit le regard que peut porter De Gaulle depuis Londres sur les mouvements de résistance? Déjà, a-t-il des informations? Parce que c'est cette complexité absolue, la résistance doit être secrète, donc pour unir quelque chose de secret, c'est très compliqué. Alors De Gaulle a peu d'informations, ses services de renseignement ont peu d'informations, ces informations parcellaires. Il y a des envoyés de la Francie qui sont pas politiques, qui sont des agents de renseignement qui vont en Francie, dans la France occupée. Ces agents n'ont pas de mandat politique, donc ils reviennent, ils vont à la pêche aux informations, et parmi les informations, ils disent « on a rencontré un groupe ici, un groupe là ». Bon. En réalité, les premières informations fiables dont dispose le général De Gaulle, elles lui viennent d'un rapport que Jean Moulin, qui a été révoqué comme préfet par Vichy à l'automne 40, apporte à Londres en octobre 1941. Jean Moulin a sillonné la zone sud pendant plusieurs mois. Il a, avec son œil de préfet, ausculté les groupes autant qu'il était possible, et il arrive avec un rapport en octobre 41 qu'il remet au général de Gaulle et à ses services, qui décrit la résistance des zones sud de façon, je dirais, assez précise. Et ça impressionne le général de Gaulle, et c'est au regard de ce rapport que le général de Gaulle va confier à Jean Moulin la mission de partir en zone sud début janvier 1942 pour, mieux organiser ces groupes, non pas dans une vision rétrospective pour les unir et aboutir in fine à un conseil de la résistance, on n'en est pas du tout là fin 41, début 42, mais pour essayer d'établir un lien durable entre la France libre et la résistance intérieure. En même temps, vous avez passé la complainte du partisan. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est peut-être l'antidote à tout ce que je suis en train de vous dire. Moi, je vous décris des organigrammes, des organisations, des gens qui décident. Et la complainte du partisan, ça nous dit quoi? Que tout ça n'est pas possible s'il n'y a pas parallèlement l'émergence d'une société clandestine, d'une solidarité profonde, qui donne du sens aux organisations dont je parle. Et donc la complainte du partisan, elle est de ce point de vue-là exemplaire, parce qu'elle décrit toute une chaîne de solidarité qui, petit à petit, va se mettre en place. Et c'est pas pour rien qu'elle a été chantée après-guerre par Leonard Cohen ou par Graham Allwright, qui était le neveu par alliance de Pascal Copeau, un des 5 membres du bureau permanent du CNR, parce qu'en réalité, on voit bien que un des échos les plus forts de cette lutte résistante par la suite, ça sera cette notion de solidarité agissante. Effectivement, et la chanson est reprise également par John Baez, parce que ce chant devient universel au sens où la résistance et la solidarité s'appliquent à d'autres combats, à d'autres mouvements. Mais Laurent Douzou, pour bien comprendre ce cheminement complexe qui conduit à l'unification de la résistance, je voudrais que nous écoutions Lucie Aubrac. Lucie Aubrac, que vous connaissez bien, vous êtes son biographe, Laurent Douzou. Lucie Aubrac, qui parlait en 1992 dans l'émission Mémoire du siècle sur France Culture. Lucie Aubrac, alors en ce qui vous concerne, à cette époque où vous montez donc le premier réseau, c'est presque un jeu, ce premier réseau de résistance avec Dastier et Cavaillès. Il y a ce premier tract qui est très sérieux, oui. Il n'empêche que il y a aussi quelque chose qui est un jeu. Vous ne vous rendez pas compte encore du sérieux de ce que vous êtes en train de faire. Le sérieux, c'était de se battre contre Vichy. On était contre les Allemands, contre le nazisme, mais on en faisait un amalgame total, vous voyez. Pour nous, il y avait Vichy nazi, c'était pareil. On mettait un trait d'union entre les deux, c'était pareil. Et c'était un jeu, c'était pas le contenu de nos messages qui était un jeu, c'était la façon dont on les transmettait, parce qu'on ne savait pas. Alors, fallait inventer. Par exemple, on allait au restaurant et on glissait un tract sous la nappe en papier, persuadé qu'avec ça, tous les garçons de restaurant allaient devenir résistants. Lucie Aubrac sur France Culture en 1992. Laurent Douzou, si nous prenons ce cas de Lucie Aubrac, comment se fait l'entrée en résistance? Alors, pour Lucie Aubrac, si on prend son cas très personnel, elle aide son mari qui est prisonnier de guerre à s'évader en 40. Il gagne Paris, puis la zone sud, il s'installe à Lyon en 40. Et elle est agrégée d'histoire-géographie, elle a besoin d'un poste. Et elle va à Clermont-Ferrand, Vichy puis Clermont-Ferrand pour demander un poste. Et là, elle rencontre place de Jaude à Clermont-Ferrand, à la brasserie de Strasbourg, Emmanuel Dastier de la Vigerie et Jean Cavaillès, Georges Zerafa aussi, fondateur de la LICA. Et ils se mettent à discuter. Et elle est très séduite par les propositions d'Acier de la Vigerie, qui à l'époque songe à s'en prendre aux journalistes collaborationnistes, enfin toute une série de chimères, mais qui l'enthousiasme parce qu'enfin quelque chose est possible. Et elle rentre à Lyon, elle en parle à son mari Raymond, et c'est comme ça que tous les deux ils vont entrer, non pas à Libération, parce que ça s'appelle pas du tout Libération, mais dans un tout petit groupe qui s'appelle La Dernière Colonne. Et ils vont commencer à travailler ensemble, ça va être très très difficile. 40-41, c'est vraiment une période de vaches maigres. Ils n'arrivent pas à recruter. Le maréchal Pétain est très populaire. Et en février 41, le petit groupe de La Dernière Colonne va dire il faut frapper un grand coup. Ils vont organiser ce qui leur demande un effort inouï, un collage dans 8 villes de la zone sud. Et en réalité, ce collage qui a demandé des semaines de préparation est un fiasco total. On arrête de jeunes lycéens à Nîmes. On leur demande qui a organisé ça. Tout de suite, on remonte à Bertrande Dastier de la Vigerie, qui est la nièce d'Emmanuel, et puis à Emmanuel. Bref, échec patent. Et c'est sur la foi de cet échec que le petit groupe va réfléchir et se dire « Bon, on n'a pas bien développé notre action. Maintenant, faut mettre l'accent sur la propagande. » Et ils vont penser à un journal qui s'appellera Libération et dont le premier numéro paraîtra en juillet 1941. Autrement dit, Lucie Aubrac, elle entre dans cette aventure sans savoir du tout de quoi cette aventure sera faite. Et puis petit à petit, avec ses camarades, par ajustement, par erreurs successives ou par petits succès, mais ils vont commencer à bâtir un groupe. Et dès lors, Laurent Douzou, comment ce groupe qui vient d'être bâti, nous restons sur ce cas Aubrac, comment ce groupe qui vient d'être bâti rejoint un mouvement uni de résistance? Comment cela peut-il être construit, voulu de Londres, avec Jean Moulin comme envoyé, comme émissaire du général de Gaulle pour unir la résistance? Alors c'est encore un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait c'est pas Londres qui va les unir dans un premier temps, ces groupes qui ont eu du mal à émerger, qui se structure très difficilement pendant 18 mois à peu près, de 40 jusqu'à la fin 41. Dans un premier temps, ils sont uniquement concentrés sur leurs tâches, parce que c'est tellement difficile d'exister qu'ils ne pensent qu'à ce qu'ils font. Et puis dans l'été 41, quand petit à petit ils s'aperçoivent que leur action se développe, ils lèvent un peu la tête et ils s'aperçoivent qu'à côté d'eux, il y a d'autres journaux clandestins, d'autres groupes. Alors Libération se rend compte qu'il existe Libération Nationale, qu'il existe Liberté, France Liberté, etc., d'autres groupes. Et donc, que vont-ils faire? Dans l'été 41, ils vont se rencontrer. Zone Sud, à Lyon, rencontre de quelques groupes de résistance. Ils vont se rencontrer pour dire que ce serait bien si on travaillait ensemble. Mais en même temps, ils ne vont pas y arriver. Et le seul fruit de ces rencontres, ça sera en novembre 1941 à Grenoble, une rencontre entre deux groupes, Liberté et Libération nationale. Alors Liberté, c'est les démocrates chrétiens, c'est Ted Gênes, de Menton. Libération nationale, c'est Bertie Albrecht, Henri Freinet. Ils vont discuter et décider de fusionner et de créer un mouvement qu'ils vont appeler Libération française. Mais Libération française, personne n'en entendra parler, parce qu'en réalité, ils vont créer un journal qui s'appelle Combat en décembre 41 pour célébrer leur union. Et le mouvement s'appellera pas Libération française, mais Combat. Autrement dit, avant l'arrivée d'Yvon Moranda en novembre 41 ou de Jean Moulin en janvier 42, il y avait déjà eu un début de processus d'union en zone sud. Il est fascinant, ce processus d'union, comme une évidence, comme une nécessité pour rendre la lutte efficace. Mais l'arrivée de Jean Moulin en janvier 1942 facilite cette union, c'est-à-dire que là, nous avons une aide extérieure. En fait, il y a comme une convergence de désirs entre celui de Londres et puis celui intérieur entre les différents mouvements. Alors, convergence de désirs, je suis pas sûr. Convergence d'intérêts, sûrement. C'est-à-dire que les groupes qu'on appelle mouvements, qui se sont développés en zone sud, ils sont asphyxiés financièrement. On leur demande sans arrêt parmi les gens qu'ils recrutent s'ils ont le contact avec Londres. Et ils se rendent bien compte qu'ils ont besoin d'un appui logistique, qu'ils ont besoin pas seulement de finances, mais d'officiers qui viennent sur le terrain les aider, etc. Et puis Londres, se rend compte que la lutte politique de la France libre, elle est très difficile, que la position du général de Gaulle dans le camp allié, elle n'est pas du tout assurée, et que donc, si les groupes qui émergent en zone libre, et puis ensuite en zone occupée, soutiennent le général de Gaulle, il sera beaucoup plus fort pour négocier avec ses alliés. Donc il y a des intérêts croisés, en quelque sorte, qui vont amener tous ces gens à accepter de discuter. Mais il faut faire attention, c'est pas là non plus des discussions idylliques. C'est un vrai rapport de force. Les discussions que Jean Moulin mène avec Henri Freinet, Emmanuel Dacier de la Vigerie, Jean-Pierre Lévy, le chef de Franc-Tireur, entre janvier et septembre 1942, sont des discussions très difficiles. Il n'y a pas du tout d'accord qui se fasse d'emblée. Au fond, contre la manne financière, ils acceptent de reconnaître De Gaulle comme leur chef, leur symbole, mais ils tiennent beaucoup à leur autonomie. Et donc Jean Moulin va, avec beaucoup d'habileté, beaucoup de fermeté aussi, tenir son cap et petit à petit essayer de les conduire vers une coordination de leur action. Enfin, l'action arrive à se coordonner plus ou moins difficilement. Laurent Douzou, est-ce que l'efficacité est renforcée ? L'efficacité est prodigieusement renforcée par l'arrivée de Moulin et des moyens qu'il apporte avec lui, bien entendu. Donc oui, c'est ne serait-ce même que sur le plan moral. C'est capital pour ces mouvements de voir arriver ces envoyés, ces émissaires politiques de Londres, qui sont dotés de moyens, qui ont des objectifs, avec qui on peut discuter, développer des projets. Donc ça, c'est très très très important, bien entendu. Ça joue beaucoup dans la dynamique résistante. Et je dirais que réciproquement, ça joue beaucoup dans la dynamique de la France libre, parce que ça crée une assise très forte pour le général de Gaulle, qui va en avoir grandement besoin à partir du débarquement en Afrique du Nord et de la remise en cause de sa primauté par les alliés au profit de l'amiral Darlan, puis du général Giraud. Je vous propose d'écouter Claude Alfandéry, qui évoque, dans l'émission À Voix Nue, c'est en 2016, Claude Alfandéry, la résistance en héritage, à retrouver sur le site internet franceculture.fr. Claude Alfandéry, donc, qui évoque au début de l'année 1943 comment il prend la tête des mouvements unis de la résistance. Après quelques mois, en début 43, il me dit, donc maintenant il faut que tu ailles dans l'Ardèche et puis ensuite dans la Drôme. Et c'est là que j'ai pris des galons, puisque j'ai pris la tête de des mouvements unis de la résistance, puis j'ai recréé le comité de libération. En vérité, à ce moment-là, mon chef me dit, écoute, ta mission, c'est c'est drôle de mettre de l'ordre dans tout ça, parce que c'est un vrai bordel. Tout le monde est contre tout le monde. Les catholiques contre les protestants, le sud de la Drôme contre le nord de la Drôme. Bien entendu, les communistes contre les non-communistes. Et je suis arrivé assez rapidement à créer un superbe comité de libération où tout le monde était réuni. Claude Alfandéry, La résistance en héritage, À voix nue en 2016, à réécouter sur le site franceculture.fr. Laurent Douzou, la résistance s'organise. Nous évoquons l'union de la résistance. Il faut toujours regarder l'autre aspect. Est-ce qu'il y a des mouvements de résistance qui refusent d'entrer dans une union de la lutte? Ah oui, bien sûr. C'est pas du tout. Il n'y a pas unanimité sur ce point. Il y a des mouvements, par exemple, qui refusent absolument de reconnaître le général de Gaulle comme un chef ou même comme un symbole. Il y a des mouvements qui vont soutenir assez longtemps le régime de Vichy ou préférer le général Giraud au général de Gaulle. Donc oui, bien sûr, le mouvement vers l'unité, il n'est pas unanime. En même temps, vous avez fait passer le témoignage de Claude Alfandéry sur les mouvements unis de résistance. Ça, c'est intéressant parce que l'action de Jean Moulin aboutit, pour aller vite, en novembre 1942, la création en zone sud d'un comité de coordination de zone sud qui regroupe combat, libération, franc-tireur. C'est un comité de coordination parce qu'aucun de ces trois mouvements n'a voulu fusionner. Ils veulent rester ce qu'ils sont chacun. Or, deux mois plus tard, janvier 43, ils deviennent les mouvements unis de résistance en fusionnant. Pourquoi est-ce qu'en deux mois, il y a une évolution aussi fulgurante? Parce que la situation a changé. Parce que, au fond, ce qui mène à l'union, le facteur le plus décisif pour accepter une vraie union, voire une fusion, c'est le danger qu'on court. Or, à partir de novembre 42, quand toute la France est occupée par les nazis, quand la collaboration devient de plus en plus étroite avec le régime de Vichy, il faut s'unir. Mais, évidemment, ce processus d'union n'est pas un processus que tous les mouvements vont accepter de gaieté de cœur. Et j'ajouterais que même ceux qui acceptent l'union le font quelquefois leur corps défendant parce qu'on leur force la main. Je voudrais vous citer, parce que je trouve ça très intéressant, une lettre que Salard, c'est son pseudonyme, c'est Pascal Copeau, adresse à Bernard, Emmanuel Dacier de l'Algérie, le 4 juin 1943. Donc on est juste après la réunion du CNR, la première réunion du Conseil de la Résistance, 27 mai 1943. Et il lui dit, donc Copeau, patron de l'IB Sud, écrit à Destier, ce rassemblement plus large que les mouvements de résistance se fera de toute manière. Il se fera contre nous si nous n'avons pas la modestie d'accepter notre véritable rôle, qui est d'ailleurs le plus beau, d'être des combattants d'avant-garde un peu sacrifiés. Vous voyez, ça c'est intéressant parce que ça montre qu'on accepte l'union, mais on en voit bien les dangers. Mais en même temps, nécessité fait loi. Oui, parce que l'union est une nécessité et nous sentons que l'énergie déployée pour cette union est également un parallèle à l'action menée contre l'occupation. Pour des résistants, il est difficile d'imaginer cette union, il est difficile surtout de la construire. Comment se met-elle concrètement en place, au sens où tous ces gens qui sont censés vivre dans le secret sont d'un coup obligés de se rencontrer? Ça demande des précautions immenses. Il est très difficile concrètement de créer l'union. Créer l'union, c'est d'une extraordinaire difficulté, d'abord pratique, pour rien dire des différents idéologiques, des oppositions politiques, des projets différents, etc. Ce qui est incroyable dans cette histoire, parce que c'est vrai qu'on a même du mal à se l'expliquer, c'est comment, dans des conditions aussi hostiles et aussi dangereuses, les liaisons ont pu se faire, comment les discussions ont pu se mener. Ça, c'est vraiment très intéressant. Elles se sont menées parce qu'encore une fois, il n'y avait pas le choix. C'est-à-dire que il fallait discuter ensemble, y compris pour constater qu'on avait des désaccords. Et petit à petit, s'est élaboré ce que moi j'appelle une démocratie sans le vote. C'est-à-dire que ce qui est très frappant dans la société clandestine, c'est qu'on y prend des décisions qui engagent la vie des hommes et des femmes qu'elles concernent, sont des décisions lourdes, qu'on prend sans jamais qu'il y ait de vote ou de processus de décision collective vraiment. Et ce qui est frappant, c'est qu'il est extrêmement rare que ces décisions soient contestées. Ça veut dire qu'il y a une sorte de légitimité qui petit à petit se dégage de l'action résistante, mais le nombre de gens qui décident est quand même assez restreint. Donc ça veut dire qu'on a ce que George Altman appelait la haute société résistante, par analogie à la haute société protestante. Il y a de petits cercles de gens qui vont se rencontrer en prenant des risques inouïs et qui vont petit à petit, en engageant la base qu'ils représentent, prendre des décisions. Et ils vont le faire, je dirais, finalement, avec pas mal de bonheur, parce que quand on pense au programme du Conseil national de la résistance dont vous parlerez dans une émission ultérieure, c'est quand même un programme qui est très important, qui est négocié clandestinement, qui ne fait l'objet d'aucun vote réel et qui finalement sera accepté. Oui, c'est fort ce que vous dites là, Laurent Douzou, effectivement, hein, c'est-à-dire le processus démocratique qui ne peut pas être appliqué, qui pourtant permet à ce que la résistance unie fonctionne avec, malgré tout, toujours ce questionnement. En histoire, nous aimons bien les dates, hein, la chronologie, parce que ça nous rassure. Nous parlons de la date du 27 mai 1943, voilà une date en plus, une commémoration, hein, le 27 mai, commémoration de la résistance. Laurent Douzou, mais peut-on donner une date à l'union de la résistance? En fait, il s'agit plutôt d'un processus. Vous avez tout à fait raison. Les dates, c'est très utile. C'est pas seulement une manière de nous rassurer, c'est une manière de mesurer la chronologie très dense qui est celle de la résistance. Là, on parle d'une histoire qui, à l'échelle historique, est minuscule, 40-44. Mais ce qui est frappant, c'est que dans ce laps de temps très court, les choses évoluent à une vitesse foudroyante. Alors, est-ce qu'on peut donner une date? Moi, j'aimerais peut-être prendre un peu de hauteur pour juste brosser un panorama. Janvier, novembre 42, il faut donc presque une année à Jean Moulin pour inciter trois mouvements de zone sud à coordonner leur action. Janvier, mai 43, il lui faut 4 mois pour faire accepter par les mouvements de résistance de la zone nord et de la zone sud, par les partis politiques résistants et par les syndicats résistants, le principe et la réalité d'un conseil de la résistance. Qu'est-ce qui se passe là? Une accélération foudroyante du processus d'unification. Et elle s'explique par diverses raisons. D'abord la pression de l'occupant qui devient de plus en plus forte avec une répression aveugle, la transformation du régime de Vichy en dictature, on peut dire sanguinaire, avec la création de la milice par exemple, puis le service du travail obligatoire, et en même temps la lutte qui se mène politique en Afrique du Nord et à Londres entre Darlan d'Aborge en décembre 42, puis Giraud et le général de Gaulle. Autrement dit, on peut pas regarder ces phénomènes de loin en se disant bah, telle décision entraîne telle autre. En réalité, il y a une dynamique extrêmement forte. Une dynamique extrêmement forte dans laquelle sont pris des individus. Et pour la résistance, il y a toujours ce jeu entre un mouvement global, avec un mot, la résistance, et puis des individus, d'ailleurs des individus qui nous intéressent, le témoignage, nous le sentons, nous parlons de compagnons de la résistance. Il y a toujours ce jeu, et c'est la volonté aussi d'après-guerre, hein, de donner en fait à chaque individu cette image collective. Ce sont les compagnons de la résistance. En fait, après-guerre, cette union de la résistance, mais qui ne peut pas être unie tout le temps, nous savons bien que les divergences sont toujours présentes, cette union de la résistance, malgré tout, existe par le fait que tous ces gens ont vécu, ont traversé cette période très difficile. Et c'est peut-être ça qui unit, après-guerre, encore plus la résistance, avoir vécu cette même chose horrible. Alors il y a une profonde unité entre les résistants après-guerre. En même temps, il y a la guerre froide et ils vont s'opposer vertement. Les résistants qui étaient encore hier unis vont se déchirer politiquement. Il n'y a qu'à penser, je sais pas, au RPF, au Parti communiste par exemple. Bon, mais on pourrait citer quantité d'autres exemples. Ça, c'est la lutte politique. C'est-à-dire, sur le plan politique, l'unité forgée difficilement entre 40 et 44, elle va voler en éclats très vite. Après, il y a un autre registre, qui est celui que vous évoquez, qui est plus intéressant, c'est le registre de l'intime. Il va rester entre ces gens, quelles que soient leurs divergences, elles sont parfois très fortes, profondes. Il va rester une solidarité, une amitié, qui sont pas des vains mots. Jean-Pierre Vernant, qui était un compagnon de la Libération, qui était résistant, mais qui était aussi anthropologue de la Grèce ancienne, parlait à ce propos de la philia grecque, en disant, il y a entre nous Quels qu'aient été nos parcours, nos divergences, il y a une fraternité très profonde. Et je crois que ça, c'est pas du pathos. C'est très important parce qu'on comprend rien au phénomène de la résistance et à cette unification assez surprenante si on n'inclut pas cette dimension de solidarité fondamentale entre des gens qui étaient très différents et qui savaient qu'ils avaient des désaccords. Laurent Douzou, aujourd'hui, c'est vrai que la résistance est à un moment commémoré qui est en train de se changer par le fait que les participants, les témoins, les compagnons sont de moins en moins nombreux. Et nous sentons l'émotion à chaque fois qu'un compagnon de la libération ou quelqu'un qui a participé à tous ces mouvements disparaît. Vous sentez que le regard porté sur la résistance évolue ? Alors oui, le regard porté évolue parce que d'abord il y a eu beaucoup de défiance à l'égard de ceux qu'on a appelés les témoins. Moi j'appelle les acteurs muets en témoins, c'est pas tout à fait pareil. Il y a eu une grande défiance qui a été très très claire à la fin des années 90, début des années 2000. Je crois que finalement c'est pas très important parce que en réalité si on veut bien comprendre cette histoire-là, il faut quand même avoir recours aux témoignages qu'on a recueillis dès 1945 en France. Il y en a beaucoup. Ces témoignages sont irremplaçables précisément parce qu'il s'agit d'une action clandestine. Ça ne veut pas dire que ces témoignages doivent être pris pour argent comptant, que tout ce qu'ils contiennent est vrai, mais ça veut dire qu'ils nous permettent d'avoir tout d'un coup un aperçu sur un monde secret, et vraiment un monde totalement secret. Et donc, je crois qu'on a besoin de ça. Alors par ailleurs, le regard sur la résistance, il change pas fondamentalement, en ce sens que la résistance continue à fasciner. Et elle fascine pour la raison que vous avez dite dans une de vos questions précédentes. Elle fascine parce qu'évidemment, on se dit, mais comment, dans des circonstances aussi désespérées et hostiles, des gens ont-ils pu décider de faire quelque chose ? Et ça interpelle chacun d'entre nous. C'est-à-dire la question, inévitablement, est qu'aurais-je fait ? Lucie Aubrac, qui était un esprit acéré, disait « Faut pas demander qu'aurais-je fait, faut demander qu'est-ce que je fais là présentement ?» Et je crois que c'est pas une mauvaise manière aussi de penser cet héritage. Et c'est une très belle conclusion, Laurent Douzou. Et oui, qu'est-ce que je fais là aujourd'hui ? Merci vivement à vous de cette analyse sur cette union de la libération, ce cheminement, ce processus qui nous conduit à l'union de la libération. Je rappelle que vous êtes l'auteur avec Sébastien Albertilli et Julien Blanc de La lutte clandestine en France, une histoire de la résistance 1940-1944. Merci Laurent Douzou. Merci à vous. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission dont la programmation est assurée par Amélie Perrault, émission préparée par Anne Toscan-Vudès, Marion Dupont, Camille André, Camille Rijade. Demain, l'esprit de la résistance avec un grand témoin. Oui, c'est Annette Beaumanoir. À demain.